Je surmonterai de gré de ma force. Ta farce grise, j'attends l'entrée de la marquise pour enfin dire tout va très bien, faites-moi la bise. Ou embrasse-moi sur la bouche, roule-moi une pelle, vas-y touche, touche. Ça c'est mon cœur comme il est mou, allez corche pas encore un coup. Papy, mamie, tonton André, elle le facteur qui t'a volé, aveuglé à tel point que mon coin sur la table on est resté vain. Afin de chasser ces murs forts autour de là, veux-tu que je m'endorme près de toi? Je me traînerai jusqu'à tes pieds, à l'envers, à l'endroit, en pierre. Casser la gueule à tout pour facteur à la tête de Christophe Willem et le dealer de Pignon. Tout ce qui m'empêche de me rendre de toi fou. J'attends la marquise au détour pour qu'elle me dise fais-moi l'amour.